Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Gamozo 107 FM. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle édition de votre émission sur l'histoire du cinéma intitulée La Christoire du cinéma. Je m'appelle Chris et je serai votre hôte aujourd'hui pour cette émission. Comme je vous l'avais promis lors de la dernière émission, après avoir parlé de la naissance du cinéma au sens général, de la naissance du cinéma muet, de la naissance du cinéma parlant et de la première partie sur le style western, nous allons parler aujourd'hui de... Et nous allons aborder aussi la deuxième et dernière partie. La semaine dernière, nous avons parlé de la création de ce style, de ses précurseurs, des premiers films et spectacles de ce style, comme le spectacle Wild West Show de Buffalo Bill, des séries B, et nous avons abordé très rapidement les autres styles de western. Aujourd'hui, nous allons donc parler plus en détail de ces autres styles. Commençons par le style western lors de la période classique. La Grande Dépression de 1929 a paradoxalement propulsé les grands studios de l'âge d'or d'Hollywood. La période classique du western est souvent identifiée comme s'étalant des années 1930 aux années 1950. C'est le film intitulé La Chevauchée Fantastique, réalisé par John Ford et sorti en 1939, qui fera définitivement sortir le genre de la série B. Ce film mettait en scène le célèbre acteur Marion Robert Morrison, plus connu sous le nom de John Wayne, né le 26 mai 1907 à Winterset dans l'état de l'Iowa aux États-Unis et décédé le 11 juin 1979 à Los Angeles à l'âge de 72 ans. John Wayne aura ensuite joué dans plusieurs films du genre, en faisant de lui un des acteurs les plus connus du western avec Clint Eastwood. Ce film inaugure l'ère de prospérité du western qui atteindra son apogée dans les années 1950. Durant ces années, le western est un genre dominant du cinéma américain. Plusieurs acteurs ont connu la gloire ou tout simplement lancé leur carrière grâce à lui, comme John Wayne ou encore Gary Cooper. A l'instar de ces deux grands acteurs, certains, comme Carl Malden ou encore Lee Marvin, y incarnèrent avec succès de sordides crapules. D'autres acteurs s'illustrèrent dans de seconds rôles de grande importance, comme Walter Brennan ou encore Andy Devine. Pour les grands acteurs comme pour les réalisateurs, le western constituait alors un passage obligé. L'élément caractéristique du western classique est la lutte exacerbée avec laquelle est dépeint l'Ouest et par la même occasion le schéma plus général des bons et des méchants. Les personnages y sont stéréotypés, du héros sans travers au bandit sans foi ni loi. Les Indiens sont considérés comme des sauvages, ennemis de la civilisation, et font pendant longtemps partie du camp des mauvais. L'armée américaine est, quant à elle, valeureuse et bienfaisante. Les femmes sont toujours des êtres distingués et protégés. Cette lutte apparente est donc souvent l'articulation de l'action. Ce style met en scène des types d'histoires et des valeurs universelles, ce qui a contribué à populariser le genre dans le monde entier. Parlons maintenant plus en détail du style de western que nous avons légèrement abordé lors de la première partie, le western spaghetti. Dans les années 1960, en dépit de quelques derniers succès comme les 7 mercenaires, le genre perd de la vitesse aux États-Unis. Les grandes productions, malgré des budgets de plus en plus importants, ne parviennent pas à effacer le déclin. Le renouveau du western vient alors, paradoxalement, d'Europe et en particulier des réalisateurs italiens qui lui insufflent une seconde jeunesse avec ce qui sera donc nommé le western spaghetti. Faisant la synthèse d'influences multiples, le réalisateur mondialement connu Sergio Leone établit les codes et usages de cette sous-catégorie de western en réalisant quelques-uns des meilleurs films de ce nouveau genre, comme la trilogie du dollar, dans laquelle nous retrouvons ces trois grands westerns, Pour une poignée de dollars, sorti en 1964, et Pour quelques dollars de plus, sorti en 1965, et Le bon, la brute et le truand, sorti en 1966. Nous retrouvons également le film Il était une fois dans l'Ouest, sorti en 1968, en italien et en 1969 dans les autres pays. Le schéma habituel est délaissé pour mettre en scène des personnages bien plus complexes et divers. En effet, les héros deviennent par exemple des chasseurs de primes sans éthique et n'hésitant pas à enfreindre la loi, comme dans Et pour quelques dollars de plus. La violence se fait plus explicite et plus graphique via des scènes récurrentes de torture, comme dans Django, sorti en 1966, ou encore dans Le bon, la brute et le truand. Via également des scènes récurrentes de viol, comme dans La mort était au rendez-vous, sorti en 1967, ou via des scènes récurrentes de massacre, comme dans Le grand silence, sorti en 1968. Ce style de western préfigurait le style appelé western crépusculaire, dont je parlerai un peu plus tard. Le western spaghetti est aussi caractérisé par des prises de vue particulières, comme des gros plans accompagnant l'aspect très caricatural, de la scène. La musique est également très typique. Elle a en effet une grande importance. elle fait partie intégrante du film et retentit au moment clé. Le compositeur italien Ennio Morricone, né le 10 novembre 1928 à Rome, en a composé les plus grandes réussites. Malgré sa courte durée de vie, le western spaghetti a une influence monumentale sur la culture actuelle. Le genre italien divise les spectateurs de manière parfois marquée entre ses partisans et les partisans du fameux western américain, pour qui il n'est qu'une médiocre parodie. Intéressons-nous maintenant à ce qu'on appelle, dans le monde du cinéma, Western ou Western rouge, dans lequel on retrouve le thème du Western crépusculaire. Les théoriciens du cinéma ne s'entendent pas quant à la naissance du Western crépusculaire. Certains d'entre eux, comme Jean-Louis Letra, affirment que par son intitulé « L'homme qui tua Liberty Valance » sorti en 1962, John Ford instaure lentement un processus qui réfléchit par lui-même, entre guillemets, caractéristique de ce genre cinématographique. Aux États-Unis, depuis les années 1970, des réalisateurs comme Clint Eastwood, né le 31 mai 1930 à San Francisco, ou Sam Peckinpah, né le 25 février 1925 à Fresno dans l'État de Californie, et décédé le 28 décembre 1984 à l'âge de 59 ans à Inglewood dans le comté de Los Angeles dans l'État de Californie, ont réalisé des westerns dits crépusculaires. Tout comme dans le western italien, l'héroïsme manichéen des cow-boys classiques a cédé la place à des personnages ambivalents qui s'affranchissent sans difficulté de la frontière fragile entre le bien et le mal. Nous pouvons voir cela dans le film intitulé « L'homme des hautes plaines » de Clint Eastwood, sorti en 1973. Pour faire simple, tous les personnages sont si mauvais, méchants les uns que les autres. Le cow-boy des années 1940 est donc devenu un anti-héros qui erre au gré des événements dans un monde où il ne trouve plus sa place, où la brutalité est sa seule issue. Les personnages féminins sont essentiellement des prostituées. Elles fument et boivent, comme dans Pendelier haut et court, réalisé par Ted Post, avec Clint Eastwood dans le rôle principal, et sorti en 1968. Le crépusculaire met en scène une violence encore plus exaltée, comme le western spaghetti. Un des meilleurs exemples pour décrire cela est le film La Horde Sauvage de Sam Peckinpah, sorti en 1969, où le sang est omniprésent, les blessures mises en valeur, et où la fusillade finale est un gigantesque massacre. De même, on assiste à des scènes comme le viol, comme dans Josie Wales hors la loi, de Clint Eastwood, sorti en 1976. Les dernières grandes réussites de ce style, telles que le film intitulé Impitoyable, réalisé par Clint Eastwood, et sorti en 1992, ou encore l'assassinat de Jesse James par le lâche Robert Ford, de Andrew Dominic, sorti en 2007, dressent paradoxalement un constat d'échec et d'impasse du western. Comme pour définir une dérive du genre vers la sortie, plusieurs westerns crépusculaires comme La colère de Dieu de Ralph Nelson, datant de 1972, se situent lors de la révolution mexicaine qui a eu lieu de 1910 à 1920, épisode marquant, en quelque sorte, la fin de la conquête de l'Ouest. Nous pouvons comprendre cela grâce au fait que ces films se caractérisent davantage comme un film de guerre plutôt qu'un western. Pour la petite anecdote, depuis la création du cinéma en 1895, près de 7000 westerns ont été tournés dans différents lieux de tournage, ce qui nous amène à la prochaine partie de cette émission sur les lieux de tournage. La mise en avant de grandes étendues naturelles est une caractéristique essentielle du western. Elle est consécutive à l'unité du lieu inaltérable qu'est l'Ouest sauvage. Le western est donc clairement un genre d'extérieur. Malgré l'existence d'exceptions, comme le film Rio Bravo, sorti en 1959, les studios d'Hollywood sont généralement insuffisants pour représenter la vastitude du Far West. Beaucoup de westerns ont été tournés dans des lieux publics, comme le lieu le plus symbolique de ce style, qui est la Monument Valley, qui est un site naturel qui s'étend de la frontière entre l'Arizona et l'Utah. Sa notoriété est due à la réputation de John Ford, qui est tourné une dizaine de films majeurs, comme La Prisonnière du désert, sorti en 1956 par exemple. De même, de par la popularité de Sergio Leone, la présence de la Monument Valley dans Il était une fois dans l'Ouest semble consacrer le lieu au rang d'emblème ultime du western, faisant le pont improbable entre classique et spaghetti. En des termes plus quantitatifs, le lieu le plus important du western est, sans conteste, les Alabama Hills, qui sont une formation rocheuse située sur le versant est de la Sierra Nevada, où des centaines de productions se sont succédées. A l'inverse de la Monument Valley, les Alabama Hills ont surtout été le décor de série B, comme pour le film intitulé « Cet homme à abattre » de Bud Butcher, sorti en 1956. Tous les grands noms s'y sont illustrés, certains tellement souvent qu'ils sont aujourd'hui littéralement indissociables de l'endroit. Dans ces noms, nous pourrions citer Gene Autry, Roy Rogers, Opa Long Cassidy ou encore Tom Mix. Ces deux sites majeurs ont en commun un aspect de sécheresse. Ils sont rejoints sur ce plan par les plaines désertiques d'Arizona ou du Nouveau-Mexique, dont le paroxysme est la vallée de la mort. Ces décors stériles symbolisent la brutalité de la conquête de l'Ouest. l'infertilité des terres est l'un des éléments fondateurs du mythe qu'est la difficile association entre l'homme et la nature. A l'inverse, certains westerns mettent en scène des espaces de végétation luxuriante. Ils sont tournés dans des états plus au nord, dans le Colorado, comme pour Le survivant des monts lointains de James Nelson, sorti en 1957, dans l'Idaho, comme pour Le grand passage de King Vidor, sorti en 1940, dans l'Oregon, comme pour Seraphim Falls de David Von Anken, sorti en 2006, dans les Dakota du Sud, comme pour La dernière chasse de Richard Brooks, sorti en 1956, et jusqu'au Canada, comme pour Open Range de Kevin Costner, sorti en 2003. Entre autres, le réalisateur Anthony Mann est réputé pour sa faculté à exploiter les paysages naturels. Il s'est illustré aussi bien dans La poussière du Nouveau-Mexique, pour L'homme de la plaine, sorti en 1955, et de l'Arizona, comme pour Winchester 73, sorti en 1950, que dans les forêts du Colorado, comme pour L'appât, sorti en 1953, et les montagnes canadiennes, comme pour Je suis un aventurier, sorti en 1954. En ce qui concerne le Western Spaghetti, il fut principalement filmé en Espagne, dans la province d'Almeria. Le désert de Tabernas compte parmi les lieux les plus secs d'Europe, ce qui en fait le substitut idéal des déserts arizoniens. Il fut le thème de 5 westerns léoniens et aussi, par exemple, du dernier face-à-face de Sergio Solima, sorti en 1967, et de la trilogie Sabata, comprenant les 3 films intitulés Sabata, Adios Sabata et Le Retour de Sabata. Ces films ont été tournés entre 1969 et 1971 et ont été réalisés par le réalisateur italien Gianfranco Paolini, né le 20 février 1925 à Rome et décédé le 26 avril 2018 à Rome à l'âge de 93 ans. Pour la petite anecdote, Gianfranco Paolini a réalisé cette trilogie sous le nom de Frank Kramer, qui fut un de ses nombreux pseudonymes. Le Western Spaghetti existe aussi. En effet, le film Le Grand Silence de Sergio Corbucci est sorti en 1968, fut tourné dans la neige des Pyrénées et des Dolomites. Un des lieux emblématiques du cinéma western n'est nul autre que les fameux ranchs. Cependant, pour se rendre sur les lieux sauvages du Nevada et d'Arizona, les équipes de tournage basées à Hollywood devaient énormément voyager. Approximativement, elles devaient voyager pendant des centaines de kilomètres. Ces déplacements étaient coûteux pour les producteurs et peu pratiques pour les travailleurs. Par conséquent, au début du XXe siècle, les majors préféraient louer ou acheter des terrains se situant aux alentours de Los Angeles, dans les monts Santa Monica, à Canyon Country ou dans la vallée de San Fernando. Ainsi, des ranchs se sont réorientés vers la réalisation cinématographique. Certains étaient des propriétés familiales, comme le fameux Ranch Iverson, qui se situait à Chatsworth, à une trentaine de kilomètres d'Hollywood. Pour citer quelques noms qui se sont un jour servis de ce ranch, nous pouvons citer La Chevauchée Fantastique, les films de Tarzan entre 1962 et 1958, ou encore la série The Lone Ranger, qui a été diffusée de 1949 à 1957. Cependant, plusieurs sociétés de production, comme Paramount ou RKO, possédaient leur propre ranch. En raison de l'étalement urbain, les ranchs commencèrent à disparaître durant la seconde moitié du XXe siècle. Pour citer rapidement les thèmes majeurs que nous retrouvions dans les films western, nous avons le Far West, les Indiens, la cavalerie et les chemins de fer. Parlons maintenant du western comme influence. Le western a une influence dans les films policiers comme dans Assaut de John Carpenter ou dans les remakes de Rio Bravo de Howard Hawks. Il a également une influence dans le style de la science-fiction comme pour le film Outland de Peter Iams qui reprend la trame de Le train sifflera trois fois de Fred Zinnemann. Le western a également une grande influence dans le milieu de la série, comme pour Star Trek. Cependant, beaucoup de westerns ont utilisé d'autres styles comme influence. En effet, de nombreux westerns d'après les années 1950 furent influencés par les films de samouraï d'Akira Kurosawa, qui était un réalisateur japonais né à Tokyo. Par exemple, Les Sept Mercenaires de 1960 est un remake du film Les Sept Samouraïs, sorti en 1954, et Pour une poignée de dollars, sorti en 1965, est un remake du film Garde du corps, sorti en 1961. Réciproquement, Kurosawa était lui-même influencé par le genre western, en particulier par John Ford. On retrouve également une grande influence western dans le film The Postman de Kevin Costner, sorti en 1997, dans la série Mad Max ou encore dans la série de jeux vidéo intitulée Fallout. Beaucoup d'éléments des films de voyage spatial sont empruntés au western. C'est surtout le cas pour les films de colonisation de l'espace. Plus récemment, la série de space opéra intitulée Firefly, utilise un point de vue explicitement western pour représenter la frontière des mondes. Des animés comme Cowboy Bebop, sorti en 1998, Trigun, sorti en 1998, et Outlaw Star, sorti en 1998 également, sont des mélanges similaires de science-fiction et de western. En fait, le western de science-fiction peut être vu comme un sous-genre du western ou de science-fiction. Le personnage joué par Humphrey Bogart dans les films noirs comme Casablanca, sorti en 1942, ou encore Le Port de l'Angoisse, sorti en 1944, qui est un personnage qui ne voit que par son sens de l'honneur, a beaucoup en commun avec le héros du western classique. A son tour, le western a également utilisé des éléments du film noir, comme dans le film Sugar Creek, sorti en 2007. Pour terminer, la saga mondialement connue des Star Wars utilise beaucoup d'éléments des westerns. George Lucas, le réalisateur, a lui-même déclaré qu'il voulait revitaliser la mythologie cinématographique, que le western détenait des dizaines d'années auparavant. Les Jedi, dont le nom est issu de Jidai Geki, qui est un genre théâtral et cinématographique japonais, sont calqués sur les samouraïs, montrant l'influence de Kurosawa. Le personnage de Han Solo est vêtu comme un as de la gâchette et la cantina de Mos Eisley est très semblable à un saloon de l'Ouest. C'est ainsi que se termine cette deuxième et dernière partie sur le style western au cinéma. Bien sûr, le style western est également présent dans d'autres arts, comme la littérature, les arts picturaux, la musique, la bande dessinée, les séries télé, les jeux de société et les jeux vidéo. Mais nous n'en parlerons pas dans la histoire du cinéma, s'intéressant uniquement, comme son nom l'indique, au cinéma. Dans la prochaine émission, nous attarderons sur le cinéma d'animation, sur son histoire, ses précurseurs et autres informations tout aussi intéressantes les unes que les autres. En attendant, moi je vous laisse ici. Si vous avez aimé ce nouveau numéro de La Créhistoire du cinéma, je vous invite à nous le dire sur notre page Facebook Radio Gameozo ou par téléphone au 03 29 62 40 40 ou encore, pourquoi pas, à venir nous rendre visite à la radio à l'adresse 8 place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Nous serions ravis de vous lire, de vous répondre et de discuter avec vous. C'était Chris, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à toutes et à tous. Thank you.